la grève, la généralisation de la grève, c'est ça qui nous attend les jours prochains. Dès lundi matin, l'enseignement vous appelle, tous les personnels de l'éducation vous appellent à venir bloquer dès 6h du matin le rectorat de Rouen. Et on sera très nombreux en grève des personnels de l'éducation. Et on va reconduire la grève mardi, mercredi, jeudi, parce qu'on sait que c'est cette semaine qui peut être décisive pour donner le coup d'arrêt à cette réforme et faire reculer le gouvernement. Mardi matin, on ira à 6h30 soutenir les camarades du CHR, Centre hospitalier du Rouvray, qui avaient mené une lutte exemplaire en 2018. On sera à leur côté pour les aider à faire sortir les salariés de cet hôpital particulièrement visé par les plans de suppression d'emplois et de réduction des dépenses publiques. Mercredi matin, on vous invite à 5h à la gare de Sophie, à venir avec nous, parce que ces jours-ci, vous avez dû le voir de temps en temps, il y a des trains qui s'arrêtent, il y a des lumières qui ne fonctionnent plus, et évidemment, c'est ça qu'on va continuer à faire cette semaine. Et mercredi, 17h, sans verre, jeudi matin, 10h30 pour ces mensonges, vous avez vu le programme.